blogueur. L'organe les a marre, c'est parti. T'es avec l'ennemi, t'es Harki. T'es Huggy, la Pookie, j'suis Starsky. Ma S dans des El Paki. Des crimes à midi, à minuit. Veni, Vidi, Vici. J'préfère Uzi à Gucci. T'es concu, ma belle, c'est la vie. Piraterie, bah oui. Baga de shit armé. Puppy, saxo, Hillary. 9 de I, narco, ça arrive. L'album des autres, c'est pourri. Votez, bâtard, non merci. Rappi, Noda, n'y'a acquis. J'suis auto, Rwanda, t'es tout si. Dans son bandage, j'ai tout mis. What else, bâtard, cloné. Orbist, Belek, chômé. RS4, Audi, Audi. La guerre, les amas, c'est parti. T'es avec l'ennemi, t'es Harki. T'es Huggy, la Pookie, j'suis Starsky. Ma S, Dandé, El Paki. Argent colossal, blanchi. J'prends ma fouche, j'prends qui j'tache sur l'outil. Nouvelle sortie, gros fraîchi. J'mets Daron et Daren à l'abri. Urus, Emirati. Mauvais payeur puni. Tanger, Paris, Cali. Parking, Transac, collé. Mes manos, mes billes sont salis. Le bédo, les Yankees, la farine. Obigo, c'est Hélène, Caroline. La mort est d'origine Staline. Vu du ciel, la Tessie est jolie. Ça rafale comme Manny, comme Tony. Gros calibre, gros pilon, gros bolide. Petit cœur, billet vert, j'suis brûlé. La guerre, les armes, c'est parti. T'es avec l'ennemi, t'es Harki. T'es Huggy, la Pookie, j'suis Starsky. Ma S, dans des El Paki. Des crimes à midi, à minuit. Veni, Vidi, Vici. J'préfère Uzi à Gucci. T'es concu, ma belle, c'est la vie.